Nos regards se disputent à chaque seconde. Les idées se bousculent, formant une ronde. Un refrain qui coule sans perdre la cadence. Notre approche doucement dans le silence. Les pigeons nous espionnent, frissonnant. Un courant magnétique comme un aimant. Il faut pas que je lutte mes sentiments. Que je perde ainsi ma confiance d'amant. L'obsession va se réveiller soudainement. Que vais-je faire à tout grand instant? Donne la force de tenir comme un grand. Restez alors comme un con, timidement. Restez alors comme un con, timidement. La blonde encore, les signes multicolores. La blonde qui est en or, je perds tous mes nœuds. La blonde encore, le parfum esquimant. La blonde est un trésor, les mots doivent être forts. Quand j'entends des blagues sur toi, je m'énerve sans savoir pourquoi. Il faut garder souvent le courage, regarder les autres malgré les orages. Je ne veux pas qu'on te fasse du mal, je ne quitte pas la douceur d'une flamme. D'accord, c'est vrai, on ne se connaît pas. Il faudrait une énorme chance parfois pour qu'on se découvre follement, que nos cœurs se joignent physiquement. Existe-t-il un procédé pour exaucer rien que nous deux et nos baisers? Rien que nous deux et nos baisers. La blonde encore, les signes multicolores. La blonde qui est en or, je perds tous mes nœuds. La blonde encore, le parfum esquimant. La blonde est un trésor, les mots doivent être forts. La blonde encore, les signes multicolores. La blonde qui est en or, je perds tous mes nœuds. La blonde encore, le parfum esquimant. La blonde est un trésor, les mots doivent être forts.